Exercice 1, page 155. A. Sur, sur. B. Sous, chou. C. Ceci, ceci. D. Série, chérie. E. Sèche, sèche. F. Ruche, russe.